2 B 1 Qu'est-ce qu'elle est belle ! Qui ? La publicitaire ? Non, la femme qui travaille à la télévision. Ah, elle ! Oui, c'est vrai. Elle est jolie, mais pas très aimable. Oui, c'est vrai. Elle est pas très aimable. Son mari n'est pas français, n'est-ce pas ? Non, il est allemand, je crois. Il s'appelle Hunter ou Günther, quelque chose comme ça. Il est très aimable, mais un peu distant. Ils ont combien d'enfants ? 2 ou 3 ? 2 enfants, un garçon et une fille. Ils sont très polis, ces enfants. Oui, ils disent toujours bonjour, bonsoir. Ils sont très bien élevés, très agréables avec tout le monde. 2. Et c'est un bon dentiste ? Je ne sais pas, mais il travaille beaucoup. Il n'est pas très sympathique. Non, pas du tout. Il est très prétentieux. Il vit seul ? Oui, il est divorcé. 3. Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne sais pas exactement. Il voyage beaucoup. Je crois qu'il est journaliste ou photographe. Journaliste ? Mais il est très jeune. Oui, il a 24 ou 25 ans, mais... 4. Il bricole toute la journée. Oui, il est très actif pour son âge. Oui, à 65 ans, il bricole, il fait du sport. Et puis, il est très gentil. Ah oui, c'est un voisin très agréable.